Est-ce que tu crois les hommes comme de l'or qu'on te donne? Tu crois que tout peut changer, que pour vivre il faut partir? Ce monde qui passe à côté, celui qui te fait t'enfuir, mais tu vois que tout le monde s'en fout. Que selon toi il ne tourne pas rond. Depuis tes premières prières, de tes mains dans la lumière, le temps passe dans ton histoire. Tu cherches un nouveau départ, tes espoirs qui se perdent sont des océans de perles. Mais tu vois que tout le monde s'en fout. Mais tu vois que tout le monde s'en fout. Selon toi, il ne tourne pas rond. J'entendais dans tes soupirs l'envie de vivre sans partir, un recueil de sentiments dans un livre où tu te mens. Ces espoirs qui te perdent sont des vagues dans la mer, mais tu vois que tout le monde s'en va. Si t'attends, il ne restera que toi. Et puisque dans tous tes rêves aucune fin ne peut te plaire, que tu fous ta vie en l'air à boire l'eau de tes poèmes, l'envie de vivre sans partir te fera pas moins souffrir. Mais tu vois que tout le monde s'en va. Si t'attends, il ne restera que toi. Et tu vois que tout le monde s'en va. Si t'attends, il ne restera que toi.